Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. C'est la chronique régionale, ce coup-là du soccer régional avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au sélectionneur. Salut Benoît! Salut Danny, salut Dan Radio Sport! Benoît nous fait un compte-rendu aux deux semaines de ce qui se passe avec... au niveau régional, dans nos équipes également. Benoît, qu'est-ce qui se passe dans les différentes ligues? Ben, tout d'abord, j'aimerais, en entrée de jeu, j'aimerais féliciter l'équipe du U16 Chinook Chicoutimi qui sont en Coupe des promotions. Je suis allé voir le match à Chicoutimi la semaine dernière. Faut se rappeler qu'il y a un petit gars d'Alma là-dedans. Je sais pas s'il y a quelqu'un du Haut-du-Lac, je suis pas certain, mais le Chinook, c'est dans le U16, ils sont en première position de la division de la Ligue Nord-Est et ils ont remporté, ils sont dans la Coupe des promotions, Danny. Ça veut dire que s'ils remportent la Coupe des promotions, l'an prochain, ils vont accéder au 3A. Ça marche comme ça, ça fonctionne comme ça dans le soccer des jeunes québécois. Et ils ont remporté une victoire de 2-0 contre Brossard. Ils vont jouer à la fin septembre en demi-finale contre Pierrefonds. Il faut qu'ils gagnent ce match-là. Et s'ils veulent accéder au 3A, ils devront gagner le match en finale par la suite. Donc, belle victoire. Ils ont une bonne équipe. Belle équipe, belle possession de balle. Et donc, à voir. Donc, félicitations à l'équipe du Chinook U16 masculin qui jouera en demi-finale. Si tu descends dans le Québec métro par la suite, t'as l'équipe de U16 que je viens de parler qui est en première position. T'as l'équipe de U16 féminin, le Boréal d'Alma, qui sont en deuxième, troisième position. Ils veulent accéder en première position. Donc, il leur reste deux, trois matchs dans leur saison. Dans le U14, dans le U15, U14 masculin, on a deux équipes d'Alma. C'est l'équipe qui sont représentées par le Boréal d'Alma. Et eux, ils sont ont plus de difficultés. Ils sont en avant-dernière position, les deux équipes. Ça, on parle des équipes régionales d'année qui participent à la Ligue Québec Métro. Donc, à tous les fins de semaine, une fin de semaine sur deux sont à l'extérieur de la région. Dans une ligue inférieure, plus bas, on va aller dans la Ligue Nord-Est. Ça, ces équipes-là d'année, il y a des joueurs du Haut-du-Lac qui sont partis de ces équipes-là, mais c'est dans la Ligue qu'ils vont jouer contre des équipes de Rimouski, contre Baie-Comeau, contre Sept-Îles. Donc, c'est surtout des équipes d'Alma, Jonquière, Chicoutimi. Il y a Saint-Félicien qui, tranquillement pas vite, avec le membership, vont peut-être s'enligner l'année prochaine dans ces catégories-là. Okay. Dans le U17 masculin, ben, on a une équipe d'Alma qui est en deuxième position présentement. Dans le U15 masculin, on a une équipe de Chicoutimi-Jonquière qui est deux, troisième. Dans le U15 féminin, on a une équipe de Jonquière et, qui sont en deuxième, troisième position. Deuxième, troisième position. Ça fait le tour du Nord-Est. Et si on descend dans la Ligue maintenant au niveau Saguenay-Lac-Saint-Jean, au niveau les saisons sont tous terminées, Danny. On est maintenant en mode série. Les séries vont commencer à partir de demain et dimanche. Exemple, comme nous dans le senior, ça commence dimanche dans toutes les divisions. Dans le senior masculin division 1, c'est Chicoutimi qui a remporté devant l'Abbé. T'as l'équipe du FC Robertval qui a terminé en troisième position dans le senior masculin division 2-1. Dans le division 2, c'est l'équipe d'Alma. Alma en deux équipes. Une équipe en première. Nous, on va justement jouer contre l'équipe d'Alma en demi-finale. Ils n'ont pas subi la défaite, un fait à mentionner. C'est une équipe qui aurait dû, selon moi, jouer en division 1, mais c'est une équipe de jeunes et n'ont pas voulu s'enligner en division 1 cette année. Ils ont joué en division 2. Ils n'ont pas subi de défaite. Ils étaient un petit peu supérieurs aux autres équipes. Ils ont fini premier devant l'Abbé et Saint-Ambroise. T'as l'équipe d'Héberville qui a terminé en sixième position. Et Saint-Félicien qui ont mal terminé leur saison, ont fini avant-dernier. Donc, ils sont en division 2 masculin. En division 3 masculin, dans le senior toujours, t'as l'FC du Fjord de l'Abbé qui a terminé premier devant Alma, une équipe de jeunes aussi. L'équipe de Dolbeau-Mistassini. Ah, c'est bon, c'est une bonne équipe. A fermé la marche en troisième position. Ils devraient accéder aux séries là, la semaine prochaine. Ils devraient jouer contre le Boréal d'Alma. Donc, c'est du senior masculin division 3. Si on y va au niveau féminin, Danny, Le féminin, cette année, avait pas de division 1. J'avais comme une division 2 plus forte que l'autre. L'équipe d'Alma et l'équipe de Chicoutimi ont terminé ex aequo avec 34 points, 11 victoires, 1 nul de défaite. Eux ont joué des matchs contre les équipes de division 2. Dans la division 2, tu as l'équipe d'Alma qui a terminé première devant Jonquière. Saint-Gédéon, l'équipe du club de Saint-Gédéon en troisième position. Tu as Saint-Félicien en quatrième. Ça, c'est la division 2 féminine senior. Et pour fermer la marche du senior, en division 3, tu as Alma qui a gagné. Les clubs d'Alma, donc, au niveau des féminins masculins, sont en montée là, cette année, qui ont terminé première devant l'Abbé. Jumchat okay. Et Saint-Félicien en quatrième. Si tu descends maintenant... Dans le U16 masculin, Saint-Félicien a terminé premier devant Alma et Delbeau-Mistassini en troisième position. On parle du U16 masculin. Okay. U16 féminin avait deux divisions d'année. Il y avait une division au lac, il y avait une division au Saguenay. Au niveau du lac, c'est Robert Val qui a fini première devant Delbeau-Mistassini. Ça, on parle du U16 féminin. Troisième position, Saint-Félicien. Et Métabelchouane-Lac-à-la-Croix termine en quatrième position. Au niveau du Saguenay, on avait quatre équipes. L'équipe d'Alma, elle jouait dans la division Saguenay. Alma, Chicoutimi, Saint-Ambroise et FC Dufiore au niveau du classement respectif. Mm. Au niveau du U14 masculin, on y va avec une équipe de Robert Val qui a remporté le U14 masculin devant Saint-Félicien et le Boréal d'Alma. L'équipe de Delbeau-Mistassini a fermé la marche en sixième position dans le U14 masculin. Dans le U14 féminin, on descend avec Robert Val qui a terminé en première position devant Alma et Saint-Félicien. Chicoutimi et Jonquière ont fermé la marche dans le U14 féminin. Veux-tu qu'on fasse un ouais. petit peu de table U12 aussi un petit peu? Oui. Au niveau du U12 maintenant, parce qu'il faut comprendre maintenant que dans le U12, c'est des catégories jeunes. Il y a du U12 masculin et féminin, mais il y a du local et il y a du double lettre ou du A comme on appelle. Dans le U masculin, Lac-Saint-Jean, Métabelchouane a fini premier devant Delbeau-Mistassini en division locale au niveau Lac-Saint-Jean. Au niveau Saguenay, on a Saint-Ambroise devant Jonquière et Alma. Dans le U12 masculin, toujours, mais une catégorie plus élevée un peu, niveau plus élevé, Alma a fini première devant Chicoutimi et Robert Val. Saint-Félicien a fermé la marche en cinquième position. Et si on va dans le U12 féminin maintenant, au niveau local, Robert Val a terminé devant Saint-Félicien et Métabelchouane-Lac-à-la-Croix. Il n'y a pas eu d'équipe de Delbeau, mais c'est dans ce groupe-là. Et dans le U12 féminin, au niveau régional, tu as Alma devant Chicoutimi, qui a terminé en première position, deuxième position. Et pour terminer la marche de l'année dans le U11 masculin, quand on dit U, on sait que c'est les catégories sous le chiffre que je vais donner. Donc, under 11, si tu veux. C'est Alma qui a fini premier devant Chicoutimi et il y avait une autre équipe d'Alma en troisième position. Ça fait le tour de table un petit peu des équipes. Et comme je te dis, les séries vont débuter ce samedi dans les catégories U11 à U16. Ça devrait se terminer, les séries. C'est pas très long, les séries. On prend les trois ou quatre premières positions de chaque catégorie et on fait des demi-finales finales. Ça, c'est au niveau régional. Et dans le senior, ça va se jouer. Ça commence dimanche soir jusqu'à jeudi prochain. Ça devrait terminer la saison au Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau du soccer dans l'été 2017. Ouais. Donc, on s'en reparle prochainement, Benoît, on s'en reparle jeudi prochain pour la chronique du soccer national. On sait que les premières ligues sont commencées. Il y a eu pas mal de nouvelles intéressantes, l'impact Piatti. Donc, on s'en reparle la semaine prochaine de ça. Yeah. Yes, salut, merci Danny. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.